On va parler de baseball. C'était les assises de la Ligue Can-Am qui se déroulaient cette semaine à Montréal. C'est la première fois qu'on entend parler des assises de la Ligue Can-Am. C'est peut-être parce que ça se faisait au Québec. On en parle avec le président Michel Laplante. Salut Michel. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est parce que ça se fait au Québec puis c'est la première fois qu'on en entend parler? Ça a-tu une... Pourquoi dans la région de New York? C'est qu'auparavant, bon, il y avait beaucoup d'équipes de la CANAM qui, par les années, là, dans les 20 dernières années, qui se situaient dans la région de New York, dans la région de Boston. Encore une fois, là, on a deux équipes du New Jersey et une équipe de New York, donc on s'est toujours centralisé un peu. Il y a plusieurs propriétaires qui habitent en Floride aussi, pour qui c'était plus facile d'aller à New York que d'aller ailleurs. Et cette fois-ci, on voulait le faire à New York. On est rendu quand même à trois équipes, là, la moitié des équipes qui Ottawa, Trois-Rivières et Québec. Donc, on voulait faire ça ici, cette fois-là. OK. Puis, qu'est-ce qui a retourné? On va parler d'expansion éventuellement à Montréal, mais qu'est-ce qui a pris ma barre? Qu'est-ce qui s'est retourné de ces assises-là? Bien, en fait, là, une des choses importantes, c'est de toujours partager où on en est chacune des équipes. Il y a beaucoup de rencontres, de partage qui se fait avec d'autres équipes du baseball affilié aussi. Ouais. À savoir, c'est comment vous faites vos ventes, où vous en êtes, c'est quoi qui est à la mode, c'est une promotion que les gens veulent. Donc, il y a toujours un partage d'idées comme ça, c'est important de le faire. Là, ce qu'on avait d'important, c'était justement d'accélérer le jeu. On sait que dans toutes les ligues de baseball, présentement, c'est un enjeu qui est super important. Les matchs ont accéléré là, d'une quinzaine de minutes dans les 4-5 dernières années. C'est un problème vieux aussi. Du baseball majeur, on tente de trouver des solutions. Donc ça, c'est important. Évidemment, les propositions d'expansion, ce que je veux dire par là, c'est que on entend parler d'équipes aux États-Unis, on parle de Montréal, donc où on en est dans ces dossiers-là. Donc ensemble, on partage tout ça. On verrait l'intégration de nouvelles équipes en quelle année, donc on se parle de tout ça, c'est important. Okay. Et après ça, ben, c'est les équipes internationales, là, les cases qu'on avait gardées, à savoir là, quelle équipe avec qui on va jouer cette année, ça va être quoi les budgets, comment on va fonctionner, c'est quoi les ententes qui ont été faites par le commissaire avec ces équipes-là. OK, bon. Qu'est-ce qui est ressorti pour les équipes? C'est vous allez jouer encore contre le Japon, j'imagine, contre le Cuba, c'est déjà prévu, j'imagine? Justement, on change d'équipe cette année, donc c'est okay. La République dominicaine. La République dominicaine, l'an passé, ça n'avait pas été un succès pour des problèmes de visa. Donc, à la dernière minute, les nouvelles règles sur le visa ne nous avaient pas permis de les obtenir à temps. Donc, c'était des joueurs de la République dominicaine qui avaient des visas, qui avaient déjà joué un peu aux États-Unis, qu'on a eu l'an passé. Alors que là, la Fédération s'implique dans le dossier, la Fédération de la République dominicaine, pour s'assurer qu'il y ait une équipe beaucoup plus performante. Donc, ça aurait été intéressant. Okay. L'autre équipe va probablement être les Étoiles de la Ligue Pecos. C'est eux qui ont joué l'année passée dans l'American Association puis qui ont fait cette tournée-là de 2-3 semaines. On est en train de voir, par contre, quelles règles on pourrait changer afin qu'ils puissent avoir un ou deux joueurs vedettes là, qui puissent les suivre, pas nécessairement durant toute la tournée, mais durant quelques matchs, puis que ce soit des joueurs différents dans la région de New York, que ce soit différents dans les régions d'Ottawa, Québec et Trois-Rivières. Okay. Donc, c'est ça, on s'est penché là-dessus. C'est difficile d'avoir soit la Hollande, soit l'Italie, comme on l'a raconté. Cuba, on peut prendre le Pegs, mais Cuba, ça a été le fun, ça a été difficile en même temps, avec les règles qui se resserrent aussi au niveau des visas américains et tout ça. C'est quelque chose qui est très difficile à réaliser, d'appeler l'équipe nationale cubaine aux États-Unis ici, pour tous les problèmes qu'il y a là. OK. Michel, accélérer le jeu, c'est pas facile, hein? Ben, c'est pas facile parce que, bon, l'athlète d'aujourd'hui est dans son monde, est dans son rituel, est dans son, je dirais, dans son moi-jeu. À partir du moment où ce que l'athlète ne comprend pas que, oui, il doit performer, mais il doit le faire aussi pour les spectateurs qui, dans un sport professionnel, le spectateur qui paye son billet, je pense que l'athlète a tendance à oublier ça. On le voit dans les demandes salariales, on le voit dans plein de situations parce que c'est ça. C'est pas quelque chose qui est compliqué. On tente, on ensemble, de s'asseoir avec, avec les équipes depuis des années pour faire comprendre que tout ça, c'est un ensemble. Il faut accélérer le jeu pour telle raison. À partir du moment que l'athlète ne peut pas le comprendre, ben on doit y aller avec des règles. Et les règles, on a fait des essais dans le 2A, dans le 3A, dans le baseball affilié un peu partout. Le baseball majeur a fait des études aussi là-dessus. Et on va devoir appliquer des règles. Un peu comme on voit au basketball. À l'époque, il n'y avait pas de buzzer au basketball là, de quoi 24 secondes de possession de balle. Moi, je pense que c'est limiter les visites au monticule. Ouais, limiter les visites au monticule, mais là, on parle de coach. Donc, on vient cerner un peu le coach, mais le joueur qui, après chaque lancer, fait le tour du monticule, il prend la balle, il repart à son lancer, là, le catcheur va le visiter. Le frappeur, qui sent s'être relancé, resserre ses gants, recogne ses spikes, sort de la boîte, demande un temps mort à l'arbitre. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui sont exagérées. On sait d'où ça vient. Ça vient du fait qu'ils veulent leur moment à eux, ils veulent leur rituel, mais ils comprennent qu'ils font partie de tout. Okay. Et parce que ça a été compris, ils vont appliquer les règles. OK. Michel, expansion. Montréal, est-ce que c'était juste parce que les Assises étaient à Montréal puis vous vouliez faire parler de vous autres que vous avez parlé d'une équipe à Montréal, ou bien si vous êtes vraiment sérieux? Je sais que c'est un vœu de toi, entre autres. Ça fait 5-6 ans qu'on entend parler de ça. On avait même entendu parler d'une Ligue canadienne de baseball. J'avais trouvé ça intéressant avec une division canadienne. Est-ce que ça, c'était le groupe est vraiment sérieux, ou c'était pour faire parler de vous autres? Tu dis, tiens, on va lancer ça, puis ça va parler de nous autres. En fait, ça a parlé de nous autres, puis tant mieux, mais le vœu dans tout ça, qui est là depuis des années, de la part de la Ligue, de la part de des gens de Montréal aussi, de justifier le financement d'un stade de baseball à Montréal de 25, 30, 35 millions. C'est pas nécessairement quelque chose qui est évident à faire. Mais la politique de Denis Coderre, excuse Michel, sur la politique sur le baseball, il avait annoncé de l'argent l'année passée avant qu'il perde ses élections. Est-ce que ça va aider, j'imagine, les remises aux normes des terrains de baseball et ainsi de suite? Ou c'est passé? Non, je crois pas. Je crois que quand on parle là, de travailler sur les terrains de baseball dans les régions de Montréal, de refaire les terrains de baseball, je pense que c'est quelque chose qui est instauré depuis longtemps. On refait les parcs de toute façon, on décontamine les parcs. C'est constamment dans les budgets. Quand on parle d'un nouveau stade, puis qu'on parle d'un investissement de 25-30 millions, ça fait pas partie du 31 millions sur une période d'un plan triennal ou dans le PDI de la ville de Montréal. On parle pas d'un stade, on parle plus de réfection des infrastructures, okay, des choses comme ça, qui font déjà partie. Donc, on parle pas d'aller mettre l'ensemble du 30-31 millions qui était promis sur une infrastructure en particulier. C'est complètement autre chose, dans le sens que depuis qu'on a le stade à Québec, politiquement, c'est plus facile à apporter parce que ça devient un stade qui est utilisé par l'ensemble de la communauté. Ouais. Le stade ici à Québec, même c'est un problème. On a un maire qui aime quand même le sport, le baseball, puis qui voulait s'assurer de garder les capitales, mais d'un aspect communautaire, c'est toujours difficile à justifier. Quand que les 440 heures d'utilisation sont orientées seulement vers une équipe. On est passé de 440 à 3500 heures d'utilisation. Maintenant, les capitales utilisent 12% de l'ensemble du stade ici parce qu'il est utilisé pour le ultimate frisbee, pour le soccer, pour le softball, ben oui, pour les académies. Pour rentabiliser ça. Exactement. Donc, depuis qu'on a fait ça ici à Québec, on a énormément de visites et la vision a totalement changé de la part des maires, de la part des investisseurs, de la part de tous les gens qui sont impliqués dans le milieu, parce que ça devient vraiment pour l'utilisation complète de la population. Et c'est pour ça que dans les dernières semaines, il y a eu des approches que là, moi, je dois voir au niveau de la Ligue de quelle façon on peut arriver tout ça. OK. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu quand on parle de ça, parce que le retour des expos, j'y crois beaucoup, j'espère. J'y crois un peu moins, par contre, depuis que Valérie Plante est là, mais j'y crois pareil. Mais ça, n'empêche pas l'autre, par contre. Hein. Je t'ai déjà entendu dire dans une autre station de radio qu'il y a des endroits où il y a une équipe de l'Econam à 15 minutes d'une équipe du baseball majeur. Fait que là, n'empêche pas l'autre, par contre. Là. Non, pas du tout. Ici, il y a une équipe du baseball indépendant, d'après moi, il ne sera pas sur l'île. Il va être sur la couronne nord ou il va être du côté sud. Okay. Ça l'empêche pas le projet de. Ça l'empêche pas de projet du tout. De toute façon, c'est complètement deux projets opposés. Ouais. Il y a un projet qui est vraiment pour la grande visibilité de la ville de Montréal, qui n'est pas un projet qui est nécessairement rentable, je dirais, qui est celui d'un investissement d'un milliard. Donc, qui est très, très, très différent, destiné à des joueurs qui font maintenant, quoi, entre 5 et 30 millions par année. Donc, c'est pas le même genre de projet. Les stades du baseball majeur sont habités par les équipes du baseball majeur souvent, sont pas nécessairement partagés par la fédération, par tout ce qui entoure ça. Donc, moi, ce genre de projet-là, c'est pas ça qui vient me chercher. Moi, je travaille vraiment sur un projet qui va impliquer le développement de la fédération, qui va amener des tournois au Québec, à Montréal, un peu partout, qui va permettre de développer le baseball au complet, puis moi, c'est vraiment là-dessus. OK. Tu te donnes 2 ans? Oui, je pense que de 2 ans, c'est réalisable avec, comme je disais, avec ce qu'on a fait avec le synthétique puis le dôme ici. Ouais. Trois-Rivières est sur le point de développer tout ça aussi. On va probablement le voir dans les prochains mois. J'espère que ça peut fonctionner. Et Ottawa travaille là-dessus aussi. Donc, je voudrais même que les équipes de New York, j'envoie tous les plans cette semaine de la façon dont on a fait ça ici à Québec, parce que c'est très difficile en 2018, puis je comprends complètement ça de la part des politiciens, de justifier un stade unidimensionnel juste pour le baseball. C'est pas quelque chose qui est bon pour l'ensemble d'une communauté. Et avoir une équipe. Et là, dans la façon qu'on le fait, ouais. Et avoir une équipe à Montréal, ça ouvre la possibilité d'un contrat de télévision avec RDS ou TVA Sport. C'est pas à dédaigner ça, là. Ouais, puis tu sais, le marché, là, de 3 000-3 500 personnes par match. Ouais. Avec Trois-Rivières qui est là, Québec, Ottawa, c'est un bon marché, puis en fait. Une équipe professionnelle vient aider à soutenir le financement d'une infrastructure complète. Donc, c'est ce que ça fait. Ça part de 10-12% amène la visibilité au stade qui, lui, va avoir un nom. Donc, il va prendre de la valeur pour... je veux dire, c'est vraiment une fédération, un sport-études, une association avec une équipe professionnelle jumelée tout ensemble qui démontre le besoin, là, parce que les quatre sont unis dans le même endroit. C'est incroyable, pareil. Michel, je pense à ça, une ville qui a 4 millions d'habitants, même pas de stade majeur, moderne, pour accueillir une infrastructure de façon sportive. Je parle évidemment d'un stade à l'ère des années 2000, un stade de baseball, un stade de football. Et il n'y a même pas de stade de baseball non plus pour une ville, pour un stade de 3 000 personnes, là. C'est incroyable quand tu penses à tout ça. Lorsqu'on avait l'équipe nationale cubaine les deux dernières années, les gens qui disaient comment ça que vous voulez pas jouer un match à Montréal, vous voulez qu'on aille le jouer où? Il n'y a même pas un endroit sur l'île ou autour où on pouvait jouer un match de niveau professionnel, à part évidemment le stade olympique, mais d'arranger le stade olympique pour seulement une soirée, on voit les coûts là, pour le match qui s'en vient là, à la fin mars, début avril. On ne peut pas se permettre ça pour la Canade. Mais évidemment, que je pense que la fédération a besoin d'une infrastructure justement pour accueillir des événements. Donc, je pense qu'on est dû. Ouais, c'est plus que dû, c'est incroyable. Michel, on va s'en reparler durant la saison. Est-ce que c'est prévu que vous allez jouer un match au Saguenay, un match sur concours? Parce que l'année passée, ça n'avait pas marché. Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus en terminant? Oui, il y a encore une ouverture. Il y a une date, entre autres, là, qu'on regarde là, pour voir si ça peut fonctionner. Patrick doit encore vérifier certaines petites choses avec TJ qui est à Trois-Rivières. Du côté des opérations, les gars s'occupent de ça, mais il y a une date, entre autres, là, un samedi qu'il faut voir là, où il y a il y a le terrain, il y a les baseball juniors, il y a tout ça à mettre en perspective. Puis toujours la difficulté, comme l'an passé, là, dans la pluie, avoir à canceller là, 12 heures avant quand les gens ont travaillé depuis des semaines dans votre coin pour s'assurer que ça fonctionne. Puis ça peut tomber complètement à l'eau, c'est le cas de le dire. OK. C'est pas toujours évident non plus. Là. Donc, non, c'est sûr. Mais on souhaite le reprendre. C'est un coin où est-ce qu'on se sent appuyé. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis d'aller jouer là une fois par année, ben, c'est intéressant pour nous. Puis là, s'il y a une équipe de l'Empire League Baseball, comme certaines rumeurs le mentionnent, ça va faire en sorte que ça va populariser le baseball. Puis moi, je vois ça vraiment de... Je comprends pas le promoteur, mais ça, c'est son problème d'investir dans l'Empire League Baseball ici, là, mais ça, c'est un problème. J'ai dit, pourquoi tu t'en vas pas à Victoriaville ou à Thetford Mines, que tu vas payer moins cher? Mais ça, nous, moi, je suis bien content. Mais ça, si vous pourriez vous entendre, peut devenir une concession, que cette ligue-là pourrait devenir une filiale de la Ligue Can-Am, ben, ça pourrait, et des capitales, ça pourrait être encore plus bénéfique pour les deux organisations, je pense, en tout cas. Ouais, c'est ça. Faut juste trouver une façon, par contre, que c'est viable financièrement, parce que comme tu dis, là, c'est pas évident. Moi, je vais faire la 20e année avec les capitales. Il y a des années là que, comme l'an passé, quand la température est pas de ton bord, là, ça peut être des années financières qui sont très difficiles. Fait qu'il faut que tu aies de bonnes finances derrière tout ça pour appuyer, parce que, tu sais, j'enlève rien au hockey, mais le hockey, là, tu joues la plupart de tes matchs, puis la température va venir jouer, bon, une coupe de tempête ou quelque chose comme ça peut avoir une influence sur tes matchs. Mais le baseball, t'es complètement à la merci de tout ça, de la température. Je regarde Ottawa l'an passé qui a joué 27 matchs sous la pluie, soit qui a été cancellé ou qui ont joué sous la pluie. C'était énorme, c'est un calendrier, c'est la moitié des matchs. Donc, c'est des pertes dans une année qu'il faut être très solide financièrement. Michel, un gros merci pour sa part. OK, merci. Le président des Capitales de Québec, Michel La